maman m'avait toujours conseillé. C'est difficile à aimer, mais plus difficile à être aimé. Yeah. Ça fait des années que j'ai cherché. Je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon cher, il faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi, show when I want you to know. C'est bébé ma dingue. C'est toi, bébé mon seul et unique, chéri en ma main. C'est toi, le battement de mon cœur endolé. C'est toi, mon chéri, mon cœur tu le tiens, je te promets. De l'amour de ma life, baby, I'm a lover. Je te laisse pas tomber, ah, yo, baby, never. But I want you to know, oh. Bébé, de toi je suis amoureuse. Je veux pas me décourager. De ton amour je suis comblée, yeah. Ça fait des années que j'ai cherché. Je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon cher, il faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi, show when I want you to know. C'est bébé ma dingue. Pour le meilleur et le pire, mon bébé, je resterai près de toi. Sans toi dans ma vie, je m'en sortirai pas. Dans la richesse et la pauvreté, mon bébé, je resterai près de toi. Ne me laisse pas tomber, mais tu sais que je compte sur toi. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon cher, il faut que tu le saches, mon cœur, tu